soir. Une affaire criminelle aujourd'hui dans Autant n'emporte l'histoire. Violette Nozière, itinéraire d'une enfant perdue. Elle n'a que 18 ans mais en paraît 20 de plus. Béret enfoncé sur le côté, sourcils épilés, lèvres sensuelles et fardées. Mais ce qui frappe, c'est sa main, crispée sur le col de fourrure. Et surtout son regard, noir et fiévreux. Ce 28 août 1933, celle que la presse va bientôt surnommer l'empoisonneuse, le monstre en jupon, la sorcière de la débauche, vient d'être arrêtée, soupçonnée d'avoir empoisonné son père et sa mère. Violette Nozière devient immédiatement un mythe, incarnant à elle seule toutes les peurs de cette France des années 30. Une femme jeune, émancipée, noceuse, voleuse, menteuse, syphilitique, qui commet le crime des crimes, le tabou absolu pour lequel la loi prévoit un châtiment spécial. Le parricide sera conduit à l'échafaud, en chemise, pieds nus, un voile noir recouvrant sa tête. Violette échappera à la peine de mort, la justice restera sourde quand la jeune fille accusera son père d'inceste, l'autre crime des crimes. Il n'y aura guère que les poètes surréalistes pour entendre le cri de cet enfant perdu. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Anne-Emmanuelle de Martigny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste du crime et de ses représentations, et l'auteur notamment d'un livre sur Violette Nozière. En quoi cette affaire criminelle sort-elle du cadre du simple fait divers, pour autant qu'un fait divers puisse être simple? C'est un grand crime, cette affaire. Au départ, il y a un grand crime, c'est le parricide, c'est le crime des crimes, parce que le père, c'est le pilier de la société civile. Par conséquent, quand on touche au père, eh bien, c'est la société tout entière qui est menacée. Et puis, il y a ce crime qui est pris en charge par une presse qui fabrique de l'extraordinaire. Hein, et qui va construire cette figure de finalement une icône du mal. Et cette jeune fille est mineure, il faut le rappeler. On est à l'époque, à 18 ans, on est encore mineure, il faut attendre 21 ans pour être majeure. Tout à fait, elle est mineure du point de vue civil, mais du point de vue pénal, elle est majeure. Donc elle pourra être jugée et elle pourra être condamnée. Comme une adulte. L'affaire commence dans le 12e arrondissement de Paris, en août 1933. Dans les mémoires, l'événement marquant de cette année-là, c'est plutôt l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne. Mais la France, en 1933, comment peut-on la décrire? La crise. La crise économique, elle a commencé aux États-Unis en 1929. Elle arrive en France de manière un peu décalée en 1931. Et puis en 1933, c'est un moment où on prend véritablement conscience de la profondeur de la crise. Je dis la crise, mais les contemporains avaient le sentiment de vivre plusieurs crises en même temps. En gros, depuis l'après-Première Guerre mondiale. Hein, crise morale, crise de civilisation, crise économique et puis crise politique. Hein, 1933, il y a à peu près 4 gouvernements qui se succèdent. L'antiparlementarisme. Une montée de l'extrême droite. Voilà, la République parlementaire est contestée dans la rue par l'Action française et ses troupes de choc, par les ligues. Donc c'est un moment sombre. Et puis, il y a ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire, vous l'avez dit, l'arrivée au pouvoir de Hitler. Hitler, voilà, on n'a pas trop compris au départ ce qu'il voulait. À la fois, il tient un discours de paix et en même temps, il veut réviser le traité de Versailles, donc c'est une menace. La toile de fond de ce parricide, c'est une France en crise. Une France qui va mal et Violette Nozière, elle a un peu servi, je dirais, de symbole de cette France en crise. Les années d'entre-deux-guerres, c'est aussi une période assez paradoxale pour les femmes. D'un côté, elles sont plus émancipées, c'est les années folles, c'est les cheveux, les jupes raccourcies, c'est l'époque de la garçonne. Et en même temps, il y a toujours un poids énorme sur les femmes. Elles n'ont pas le droit de vote. La loi de 1920 interdit l'avortement. Ça joue un rôle aussi dans cette histoire. Alors, vous parliez des années folles. Là, en 33, on n'est plus dans les années folles. On est dans une période de crise qui a durci finalement le regard sur les femmes, une sorte de réaction d'anti-féminisme. Donc, toute cette question de l'émancipation des femmes, elle va être agitée à travers ce fait divers. Également d'ailleurs la question de l'émancipation des jeunes, hein, puisque voilà, c'est les relations entre enfants et parents hein, la question du parricide. Et puis Violette Nozière, hein, c'est une femme, une jeune femme, qui va être arrêtée par des hommes, qui va être interrogée par des hommes, qui va être scrutée et interprétée par des hommes, les journalistes, et puis finalement on sera jugée et condamnée par des hommes. Et justement, Violette Nozière, qui est-elle à ce moment-là, en 1933, avant qu'elle commette ce crime ? Son père est cheminot, c'est un mécanicien. Ce qui le place, je dirais, dans l'élite des cheminots. Donc c'est un milieu populaire, une famille ouvrière, mais qui a des ambitions de classe moyenne. Et du coup, ça c'est important, parce que les Nozières sont pas des marginaux. Un avocat dit « ce sont des Français moyens ». Et là, on comprend aussi pourquoi ce fait divers a eu un tel retentissement. C'est-à-dire que les gens pouvaient s'identifier aux Nozières. Hein. Donc ça me paraît être un point important. Et puis, cette jeune fille, elle a mauvaise réputation dans son quartier. Hein. Elle est dévergondée, elle a un amant. On dit qu'elle se prostitue. Et c'est là que justement, c'est à ce moment-là qu'elle va passer à l'acte. Anne-Emmanuelle de Martigny, nous poursuivrons cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Violette Nozière, Itinéraire d'une enfant perdue, un texte de Clara Saher et Zoé Gabillet, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Michel Sidorov. Oh, quelle maladroite! Mon bas est filé. Ça fait négliger, je déteste ça. Allez, je me lève. Ça me fera du bien de marcher un peu. Quelle chaleur! J'étouffe dans cette robe de crêpe. Et ce faux col? Je vais finir par me faire remarquer. Une fille habillée en plein cagnard comme à la Noël. Mais qu'est-ce qu'il a, le trench coat, à me suivre? Il pense que je l'ai pas remarqué? Je lui plais, je crois. Il a pas l'air méchant. Je parie qu'arrive au bout de l'allée, il m'aborde. Oh, pourvu qu'il m'aborde. Je me poserai bien dans une chambre pour quelques heures, voire toute la nuit. Je commence à avoir mal au dos. Et puis, à l'heure qu'il est, tout le monde doit savoir ce que j'ai fait. Je me souviens plus. Ça fait combien de temps que j'ai quitté la maison? Une semaine? Un mois? Tout est si confus. Hein? Il arrive vers moi. Il a intérêt à avoir les moyens. Je lui ferai pas de cadeau à celui-là. Paris, le 28 août 1933. La jeune femme qui errait dans un square du 7e arrondissement est rapidement conduite au 36 quai des Orfèvres et placée en garde à vue. Nom, prénom? Nozière. E accent grave R-E. Violette. Date et lieu de naissance? 11 janvier 1915, à Neuvy-sur-Loire, dans la Nièvre. Adresse? 9 rue de Madagascar, dans le 12e, près de la gare de Lyon. Vous vivez seul? Non. Avec qui alors? Mes parents. On y est. Savez-vous pourquoi vous avez été arrêtée, mademoiselle? Pour racolage. Ah, si ce n'était que ça, votre cas serait malheureux, mais vu votre âge, vous pourriez vous en sortir. Il va falloir coopérer, mademoiselle Nozière, et tout nous dire. Alors je répète, savez-vous pourquoi vous avez été arrêtée? Les salauds. J'aurais dû m'en douter. Le type du square était un poulet. Ah, elle était bien pensée, votre tactique, pour me coffrer en me donnant rendez-vous. Ça a dû vous exciter tout l'après-midi de m'imaginer me faire prendre comme une petite souris. N'est-ce pas, commissaire? Bon, on va vous ramener dans votre cellule le temps que vous vous calmiez, et on reprendra plus tard. Gardien! Accompagnez mademoiselle Nozière. Violette Nozière, 18 ans, la fille unique d'une famille modeste, vient de se faire arrêter. On la suspecte du meurtre de son père, Baptiste Nozière, un cheminot de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, et de l'empoisonnement de sa mère, Germaine. tous deux ont été retrouvés le 23 août, gisant dans leur appartement du 12e arrondissement de Paris. Les secours n'ont rien pu faire pour Baptiste. Germaine a été transportée à l'hôpital, dans le coma, et la police a conduit sa fille, Violette, à son chevet. Revenue à elle, Germaine a dit quelques mots accusant sa fille, et cette dernière, profitant d'un instant d'inattention des policiers, s'est enfuie. La police mettra 7 jours à retrouver sa trace. Pour l'arrêter, on lui tend un piège. Un policier la séduit dans un parc et lui donne rendez-vous plus tard dans la journée. À l'heure dite, elle est « cueillie », comme on dit dans le jargon. C'est Marcel Guillaume, commissaire divisionnaire du 36 Quai des Orfèvres, connu pour avoir enquêté sur l'affaire de la bande à Bonneau, sur les crimes de Landru et sur l'assassinat du président de la République, Doumer, qui est en charge de son interrogatoire. Reprenons, mademoiselle. Le proviseur du lycée Fénelon, vous êtes inscrite, dit vous voir plus souvent sur les banquettes des cafés du quartier latin que sur les bancs de l'école. Et alors ? Alors, je cherche à savoir quelles sont vos fréquentations, vos amis comme vos ennemis. Je vous rappelle que vous êtes ici parce qu'on vous soupçonne de parricide. Et à l'heure qu'il est, au lieu de faire la maline, vous feriez mieux de prier pour votre pauvre mère, qui est toujours dans un état préoccupant à l'hôpital. Où étiez-vous le soir du 21 août ? Je m'en souviens pas. Allons, faites un effort. Puisque je vous dis que je sais plus. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'ailleurs, hein ? Vous savez bien que je les ai trouvés dans les vapes le 23 août. Pas dans les vapes. Votre père mort et votre mère agonisante plutôt. Oui, bah voilà. C'est ce jour-là que j'ai alerté les voisins et que nous avons appelé les secours. Alors comment expliquez-vous que le cahier de dépenses que tient votre mère tous les jours que Dieu fait était vide le jour du 22 ? Mais j'en sais rien. Elle divague complètement, la vieille. Mettons. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vous êtes enfui de l'hôpital quand nous vous avons accompagné au chevet de votre mère. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je sais pas. J'ai eu peur. Je répète donc ma question. Que faisiez-vous le 21 août au soir ? Je sais plus. Bien, voyez-vous, je ne vous crois pas. On vous dit menteuse. Il paraît même que vous ne racontez que ce qui vous chante. Vous vous inventez des amis, une vie de luxe. Pourquoi toutes ces sornettes ? Je vous interdis de me traiter de menteuse. Vous me connaissez même pas, monsieur le commissaire. Bah, je commence à vous connaître à travers ce que les gens disent de vous. En plus d'être menteuse, on dit que vous vous prostituez. Ce sont des passages utilitaires. Des passages utilitaires. Ah bah, celle-là, on ne l'avait jamais faite. C'est votre petite façon à vous de cacher la sordide vérité. Des passages utilitaires, comme vous dites, dans votre monde avec vos amis imaginaires, peut-être. Mais dans mon monde, couche avec des hommes, ou même des femmes d'ailleurs, pour de l'argent, ça s'appelle de la prostitution. Et alors ? Et alors, c'est interdit de racoler, comme de tuer ses parents, voilà. Pauvre commissaire. Il est rouge comme un gras de cul à s'égosiller comme ça. Non mais, regardez-le. Qu'il appelle ça comme il veut. Prostitution, tapinage, faire la retape. Mais moi, commissaire, je fais des passages utilitaires. C'est comme ça que j'aime dire. Personne ne me force. J'agis seul, quand je veux et avec qui je veux. Pierre, Paul, Jacques, c'est moi qui vois. Je prends ça comme un jeu, je me réinvente. La plupart sont gentils. De toute manière, je ne ressens rien. Le temps qu'ils fassent leur affaire, je pense très fort à des destinations de rêve ou à ce que je vais pouvoir m'acheter après. Et puis voilà, c'est vite passé. C'est comme ça. Moi, j'aime les belles choses. Je veux des bas de soie, des fourrures, des bijoux, du maquillage, de pas ressembler à ma mère qui traîne en savate et en blouse de travail toute la journée. Je veux avoir les moyens de partir loin, loin de mes vieux. Ah ben, il était temps que ça pète. Ça va rafraîchir un peu l'air. Mais peut-être voulez-vous que je ferme la fenêtre ? Ah non, surtout pas. On étouffe. Comme vous voudrez. Écoutez, mademoiselle, il est temps que vous vous mettiez à table. J'ai besoin de comprendre. Expliquez-moi. La justice ne pourra rien pour vous si vous nous cachez la vérité. Mais vous faites tous comme si vous la connaissiez déjà, la vérité. Justice, justice, mais de quelle justice parlez-vous ? Je suis pas idiote. Je vois bien que tout le monde me croit déjà coupable. Prouvez-moi le contraire, je ne demande que ça. Mais qu'est-ce que ça changera ? Et vous ne vous rendez pas compte ? C'est votre vie qui est en jeu. Ma vie, ça fait longtemps qu'elle est foutue. Alors dites-moi tout, puisque vous n'avez rien à perdre. Je ne peux pas. Donc, encore une fois, que s'est-il passé le soir du 21 août ? Ce soir-là, j'ai empoisonné mes parents. Mon Dieu. Vous la vouliez, la vérité, non ? Ben voilà, vous l'avez, vous êtes content ? Je n'ai qu'une partie de la vérité. Comment avez-vous fait pour les droguer ? Et pourquoi ? Vous avez assaisonné le rôti à l'arsenic ? Même pas. C'est beaucoup plus simple que ça. Voyez-vous, il se trouve que j'ai la syphilis. C'est regrettable, mais je ne vois pas le rapport. Si vous me coupez la parole toutes les 5 minutes, on ne va pas y arriver. Poursuivez. Je disais donc, j'ai la syphilis, mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas le dire à mes parents. Ça aurait fini par se voir. J'ai eu de la chance. Le docteur Deron a été très compréhensif et il m'a établi sans problème un certificat de virginité. Grâce à ce document, mon honneur était sauf, ainsi que ma bonne foi. J'ai donc fait croire à mes minables de parents que ma maladie était héréditaire. Et ils vous ont cru ? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Ce soir-là, j'avais tout prévu. Traînée ! Espèce de traînée ! T'as vu l'heure ? Mais ça va pas, vieille folle ! Tu parles pas comme ça à ta mère ! Voleuse ! Voleuse, mais sale petite voleuse ! Mais qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu nous traites comme ça, hein ? Oh, mais de quoi tu parles ? De quoi tu parles, hein ? De nos économies qui ont encore disparu, tiens ! Ton père se tue à la tâche pour que tu ne manques de rien, et voilà comment tu le remercies ! Eh ben, qu'il s'abstienne ! Où est l'argent, Violette ? On a fouillé ta chambre de fond en comble et rien, qu'est-ce que t'en as fait ? Je vous interdis de toucher à mes affaires. Et c'est qui ce Jean Dabin ? Hein, ton nouveau Jules ? Où est-ce que vous avez trouvé cette lettre ? Bien caché au milieu de tes déshabillés en soie. Comment tu les as payés, ceux-là ? J'en peux plus de ce deux pièces cuisine immonde. J'ai l'impression de vivre comme des cafards les uns sur les autres. On peut pas avoir un peu d'intimité, bon sang ? Désolé, madame, c'est pas Versailles ici. On fait ce qu'on peut. On est des honnêtes gens et on n'a pas tes rêves de grandeur. Mais on a des valeurs, on ne veut pas que tu traînes avec n'importe qui. J'aime Jean. C'est pas n'importe qui, c'est l'homme de ma vie. Et bientôt, on partira tous les deux, très loin. Et vous me reverrez jamais. Encore une petite frappe, je suis sûre. Tu sais ce qu'on dit des femmes qui fréquentent des hommes avant le mariage ? Vous êtes des pourris. Vous n'avez pas le droit de lire mon courrier. Oh ! Parce que toi, tu as le droit de nous voler ? Refais ça. Et la prochaine fois, c'est moi qui t'en colle une. Non mais bon, non mais ça suffit ! Ça suffit, on se calme ! Tu peux nous dire au moins d'où tu viens ? À ton avis, monsieur le pharmacien, tiens. Faut bien que quelqu'un ramène les médicaments pour cette saleté de maladie que vous m'avez transmise. Oui, bon, passons à table, le dîner est prêt. Prends le pain et le fromage dans le garde-manger. Et tire la table, que ta mère ait la place de passer. Pas que nous devrions aller voir le docteur Deron, qui nous examine au moins. Mais je te l'ai dit, il m'a certifié que j'avais une syphilis héréditaire. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'il vous envoie une carte postale pour confirmer ? Oui, c'est vrai. Avec ce genre de saloperie, j'aimerais mieux que ça reste entre nous. Si on l'apprenait dans le quartier, ça jaserait. Voilà ! Maman, c'est bien, t'as tout compris. On va pas non plus l'imprimer dans les gazettes que les nausières ont la syphilis. Faites-moi de la place sur la table. Il est lourd, le plat. Attention, c'est chaud. Prends donc le vin dans le buffet. Baptiste, passe-moi ton assiette. Merci. Violette, tu paies rien pour attendre. Je te laisse le temps du dîner pour nous dire ce que tu as fait de l'argent. C'est vrai que c'est chaud. Je l'ai pas, votre fric. Mais c'est qu'elle en redemande des torgnoles. Ah non, mais ça va pas recommencer. Tu te calmes, Germaine. La journée a été assez dure comme ça, j'ai encore le bruit de la locomotive dans la tête. Est-ce qu'on peut, pour une fois, dîner tranquillement ? Donne-nous ces médicaments, Violette, qu'on en finisse. Tiens, pourquoi ton sachet à toi, il est marqué d'une croix ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tu demanderas au pharmacien demain, si ça t'intéresse tellement. Mmh. Mmh. Ah, c'est infect, tellement amer. Oh, je vais pas pouvoir finir. La prochaine fois, on te le servira avec du sirop d'orgeat. Je me sens tout chaud. J'ai la tête qui tourne. J'ai besoin de prendre l'air. Baptiste ! Mon Dieu ! Ah, ah, mais voilà. Moi aussi, j'ai les jambes au coton. Ah, allez ! Baptiste Nozière vient ingurgiter une dose létale de Véronal, un somnifère. Violette s'est procuré 3 tubes du produit qu'elle a réduit en poudre, faisant croire à ses parents, fausse ordonnance à l'appui, qu'ils devaient le prendre pour soigner leur syphilis, soi-disant héréditaire. Une maladie que, bien sûr, elle est la seule de la famille à avoir contractée. Germaine n'ayant pas fini son verre, elle aura finalement la vie sauve. Mais à ce moment-là, Violette ne le sait pas encore. En ce 21 août 1933, elle quitte l'appartement de la rue de Madagascar en prenant soin de voler l'argent qu'elle trouve dans les poches de sa mère ainsi que la dernière paye de son père, 3000 francs. Elle reviendra sur place le 23, soit 2 jours plus tard, pour ouvrir le gaz et donner l'alerte dans le but de faire croire à une tentative de suicide de ses parents. Voilà, vous savez tout. On a l'impression que ça vous fait ni chaud ni froid. Vous voulez quoi ? Que je me roule par terre ? Vous savez, mademoiselle, dans ma carrière, j'en ai vu des durs à cuire. Elle est comme vous. Une gamine de 18 ans qui assassine ses parents de sang-froid, c'est quand même une première. Vous savez, vous avez fait couler beaucoup d'encre dans la presse ces derniers jours. Vous êtes à la une de tous les grands quotidiens du pays. Et alors ? Dans une semaine, c'est avec ces mêmes journaux qu'on emballera le poisson. Ne soyez pas aussi cynique. Je crois que vous ne mesurez pas l'ampleur de votre affaire. Tenez, regardez. Voilà ce qu'on dit de vous en première page de Paris Soir. Le monstre en jupon. Il a suffi en effet de quelques jours pour que le fait divers passionne l'opinion qui veut tout savoir de Violette. La presse redouble d'inventivité pour couvrir l'affaire. On assiste à la naissance des reportages photos et de la presse à scandale. Les tirages augmentent car l'histoire fait vendre. Les Français assistent alors à la naissance du mythe Violette Nozière. Moi ? Violette Nozière ? Un monstre ? C'est si facile. Que savent-ils de moi au juste ? Que j'ai tué mes parents ? Comme s'il ne pouvait exister un crime plus odieux. À les entendre, on dirait que j'ai assassiné un héros national. Comme si ce vieux cheminot avait toutes les vertus. Oh, et puis... Tant pis. Assez tourné autour du pot. J'ai déjà tout perdu. Alors autant déballer mon sac et pas qu'à moitié. Ils veulent du sensationnel ? Ah, bah ça, ils vont en avoir. Je vais vous le dire, moi, messieurs, dames. Il y a pire que tuer son père. Avez-vous quelque chose à rajouter, mademoiselle, avant de regagner votre cellule ? Non, pas spécialement. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite. De la chance ? Jusqu'à présent, j'en ai pas eu beaucoup, donc je vois pas pourquoi cela devrait changer. Vous êtes une ingrate. Vous en avez eu de la chance. Des parents qui vous ont tout apporté, un père qui s'est saigné pour vous donner la meilleure des éducations, et vous, vous les avez tués car vous n'êtes qu'une petite catin vénale. Mais oui, bien sûr. Et puisque vous savez tout mieux que tout le monde, dans 2 minutes, vous allez m'expliquer que j'ai aussi eu de la chance de me faire violer par mon père depuis des années. Je vous demande pardon. Vous avez très bien entendu. Mais comme tout le monde, vous allez faire semblant de rien. Le viol est une accusation très grave, mademoiselle Nozière. J'espère que vous n'êtes pas encore en train de raconter n'importe quoi. Mon père est entre 4 planches à l'heure qu'il est. Donc je pense que le code pénal, il s'en tamponne un peu. Vous maintenez votre déclaration ? Je vous rappelle que tout ce que nous disons est consigné par mon collègue ici présent. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Mon père me violait depuis mes 12 ans. Vous savez que pour accuser quelqu'un, il faut des preuves. Eh bien, retournez rue de Madagascar. Et au lieu de fouiller ma chambre pour lire les lettres que Jean m'écrivait, allez les chercher, ces preuves. Regardez dans sa table de nuit. Vous trouverez ses revues cochonnes, ses recueils de chansons grivoises, et surtout, Le chiffon dont il se servait pour que je tombe pas enceinte. Ça aurait fait désordre. Soit. Nous irons. Vous me croyez alors ? Je ne sais pas. Il faudrait m'en dire plus. Depuis 6 ans, mon père abusait de moi. Il m'a d'abord embrassée sur la bouche. Puis, il m'a imposé des attouchements. Et enfin, il m'a prise dans la chambre à coucher. Et votre mère, pendant ce temps-là ? Absente, évidemment. Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin que nous possédions près de la porte de Charenton. Environ une fois par semaine, je dirais. Votre mère ne s'est jamais doutée de rien. Je n'ai rien dit à ma mère. Mon père m'avait dit que si j'en parlais, il me tuerait. Et qu'il se tuerait aussi. Au final, c'est moi qui l'ai tué. Le commissaire Guillaume croit en la version de Violette et ordonne des perquisitions qui vont accréditer les déclarations de la jeune femme au fil des semaines qui suivent. Les pièces à conviction sont retrouvées et le fameux chiffon analysé. Mais la mère de Violette soutient que ce tissu visait à protéger ses rapports avec son mari. Les preuves sont donc minces et le doute subsiste. Mais à la suite des accusations portées par Violette contre son père, des milliers de femmes écrivent aux juges d'instruction pour livrer leurs propres témoignages. Les victimes sortent du silence, amenant ainsi le sujet de l'inceste, dans cette société d'entre-deux-guerres, sur la place publique, car la presse répugne encore à utiliser ce terme totalement tabou. Violette est désormais célèbre, et la foule se masse sur son passage quand elle sort de sa prison pour des auditions ou des reconstitutions. Du côté de l'enquête, les témoins se succèdent dans le bureau du juge. Des investigations sont menées dans la cabane de la porte de Charenton et les fréquentations de Violette sont passées au peigne fin. Mais aucune preuve n'est trouvée et aucun témoignage ne se détache du lot. Première dans les annales judiciaires, Germaine Nozière, sortie de l'hôpital et remise sur pied, se constitue partie civile contre sa fille le 15 septembre. C'est désormais parole contre parole quand le 18 octobre 1933, les deux femmes se retrouvent pour une confrontation avec Jean Dabin, l'amant de cœur de Violette. Gardien, je vous prie, enlevez-lui les menottes. Elle ne va pas s'envoler, ce n'est pas Arsène Lupin. Merci. Violette, je ne vous présente pas Germaine, votre mère, ni Jean Dabin. Bonjour, Violette. Bonjour, Jean. Bonjour, maman. On peut commencer ? J'ai déjà hâte d'en finir. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour faire le point sur l'enquête et confronter vos versions respectives. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Elle a avoué. Toutes ces discussions ne feront pas revenir mon Baptiste. Commençons par le commencement. Madame Nozière, connaissez-vous monsieur Jean Dabin ici présent ? Non. Mais vous avez déjà entendu parler de lui ? Oui. Tous les témoignages s'accordent sur le fait que le soir de la mort de votre mari, une dispute a éclaté à propos d'une lettre écrite par monsieur à votre fille. Écoutez, commissaire, que ma fille batifole avec qui elle l'entend. Mais qu'elle vole ses parents pour entretenir son Macron. Je ne vous permets pas. Vous n'allez pas me dire que c'est pour payer vos cours du soir, cet argent. Je n'ai jamais demandé à Violette de voler un copec pour moi. Je vous assure, monsieur le commissaire. C'est vrai. Et voilà qu'elle le défend en plus. Ah, on aura tout vu. Mais toi, t'as jamais aimé personne. Qu'est-ce que tu peux savoir de ces choses-là ? Ta petite bourse, au cordon bien serré, tes carnets de dépenses ? Tu me fais pitié. Tu seras sûrement la plus riche du cimetière. Ah ça, t'aurais bien aimé m'y envoyer au cimetière. Hein ? Eh bien non, tu vois, je suis toujours là. Regardez-la, commissaire, ma fille, cette meurtrière. Tout ça pour hériter et vivre avec ce bon à rien. Gardien. Veuillez apporter un verre d'eau à Madame Nozière. Encore une fois, je n'avais aucune idée d'où venait cet argent. Monsieur Dabin, une lycéenne de 18 ans vous entretient et vous ne vous posez aucune question ? Soit vous mentez, soit vous êtes un petit peu stupide, mon gars. Mais Violette ne m'a jamais dit qu'elle était lycéenne. Elle disait qu'elle était une fille de bonne famille, avec beaucoup de moyens. Et qu'elle était bonne à marier, c'est ça ? Oh, mais regardez-vous, vous vous êtes bien trouvée. Vous réglerez vos comptes plus tard. Mademoiselle Nozière, cet argent, à quoi servait-il ? Jean est un menteur. Vous, les hommes, vous êtes bien tous les mêmes. des poules mouillées. T'as jamais fait la fine bouche quand je te donnais de quoi te payer tes costumes croisés, et maintenant tu te dégonfles. Pauvre type. Écoute, tu sais quoi? Moi, je veux pas d'emmerde avec les flics. Donc tes affaires, je te les rends. Tiens, voilà. Ton porte-cigarette. Restez assis. Ton briquet. Nous n'en avons pas fini. Ta chevalière. Restez assis. Mon Dieu, mon Dieu, c'est la bague de Baptiste. C'est ça que tu as fait, Violette, quand ton père agonisait, le voler encore une fois? Je vous assure, monsieur le commissaire, je savais pas. C'était un cadeau. Mademoiselle, à qui appartient ce bijou? À mon père. Commissaire, vous ne voyez donc pas qui elle est? Elle est bonne pour l'échafaud. Et encore, c'est en enfer que tu croupiras. Et toi, tu ne vois donc pas qui il était, lui? Un vieux cochon, un pervers, un violeur, avec ta propre fille. Dès que tu avais le dos tourné, en plus. Quoi? Tu me dégoûtes. Tu salis encore sa mémoire, le pauvre. Un homme si respecté. Des centaines de personnes sont venues lui rendre hommage le jour de son enterrement. Mon Baptiste! Tu me croiras donc jamais. C'est ça, hein? Moi vivante. Jamais. Vous savez, Madame Nozière, que votre fille nous a donné des preuves tangibles pour accréditer sa version. C'est une voleuse. Et une menteuse, commissaire. Elle a assassiné son père! Un époux si bon! Oh, mais tue-toi, Violette, tue-toi! L'affaire Nozière dépasse désormais les limites du simple fait divers. Elle devient un point de clivage politique entre les pros et les anti-violettes. Ces années 1930 sont marquées en Europe par la montée du fascisme. En Allemagne, Hitler a été élu chancelier en janvier 1933 et l'Italie vit depuis 1922 sous la coupe du Duce Benito Mussolini. La République française est quant à elle menacée par des factions d'extrême droite qui voient dans la personne de Violette l'incarnation d'une jeunesse dévoyée, bafouant l'ordre moral et allant jusqu'à tuer père et mère pour de l'argent. Ainsi, dans les pages du quotidien L'Action française, l'écrivain Robert Brasillac étrille régulièrement la jeune fille. À l'inverse, André Breton, Paul Éluard et plus largement tout le mouvement surréaliste deviennent des défenseurs acharnés de celle que tout accuse. Ils déploient toute leur énergie à démontrer que Violette est la victime d'une société patriarcale dans laquelle une femme libre ne peut être que coupable et non victime. Le 1er décembre 1933, il publie un recueil de poèmes et de dessins en son hommage. C'est drôle. Se sentir aussi seule et coupée du monde quand on me raconte que je fais la une des journaux. Tout le monde parle de moi dehors, alors qu'ici, dans ma cellule, les jours se suivent et se ressemblent. Été, automne, hiver, j'ai perdu la notion du temps. Moi qui ai toujours rêvé de gloire, cette notoriété-là, je m'en serais bien passée. Et quand mon avocat me rend visite et me dit que je suis devenue un symbole pour les femmes abusées, ça me paraît irréel. J'ai jamais trop fréquenté les bancs de l'école, donc ça me dépasse un peu. Il y a même des poètes qui me défendent, il paraît. Leur ange noir qu'ils m'appellent. Ça, c'est la meilleure. Violette a rêvé de défaire, a défait, l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Je suis pas sûre de comprendre, mais ça sonne bien. C'est joli. Faudrait peut-être que je le remercie, ce Paul Éluard. Le 10 octobre 1934, le procès de Violette s'ouvre à Paris devant la cour d'assises de la Seine. La foule se presse au palais de justice. Tout le monde veut voir l'accusé s'expliquer. Sa défense est assurée par maître Henri Géraud, un ténor du barreau, qui a défendu entre autres Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès. Il est secondé par maître René de Vézine-Larue, un jeune avocat. Après 13 mois d'incarcération à la prison pour femmes de la Roquette, c'est une jeune femme marquée, épuisée physiquement, que la cour et le public vont découvrir. Le procès commence dans quelques minutes. Avant d'entrer dans la salle, René de Vézine-Larue tente de rassurer sa cliente. Bonjour Violette. Comment vous sentez-vous? Nerveuse. Mais j'imagine que c'est normal, maître. Oui, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. J'ai l'impression de déjà connaître la fin de l'histoire. Non, non, ne partez pas battu d'avance. Dans une cour d'assises, tout est possible. Et ayez confiance. En tout cas, j'ai mis la robe que vous m'avez conseillée. C'est très bien. De la sobriété avant tout. Les jurés sont sensibles à ce genre de détails. Tant mieux. Comme nous en avons déjà discuté, il va falloir être forte, Violette. La partie adverse ne vous fera pas de cadeau. Ils feront tout pour vous déstabiliser. Restez sur votre version coûte que coûte. Mais c'est la vérité. Oui, Violette. Encore une fois, dans le jury, il n'y aura que des hommes. Ils voudront vous faire taire. Ils ne veulent surtout pas entendre qu'un père puisse abuser de sa fille. C'est dégueulasse. Peut-être, mais c'est ainsi. Et gardez ça pour vous. Je ne voulais pas le tuer, mais il m'en a pas laissé le choix. Je sais, Violette. Et c'est bien ça que nous allons démontrer à la cour. Et si je suis condamnée à mort ? On ne guillotine plus les femmes depuis quelque temps déjà. Et puis il reste toujours la cassation. Nous avons encore beaucoup de cartouches à jouer. Si seulement je pouvais être jugée par une femme. C'est pas demain la veille. C'est bien dommage. Car seule une femme peut comprendre mon histoire. C'est faux, Violette. Écoutez-les. Ils sont tous là, devant le palais de justice. Des femmes, mais aussi des hommes vous soutiennent. Vous croyez qu'ils les entendront ? Vous avez eu du courage. Le courage de parler. Et c'est ça que je dirais aux jurés. Vous avez fait bouger les consciences. Elles sont nombreuses, ces femmes qui se sont reconnues en vous. Et aujourd'hui, leur soutien est inestimable. Mais j'entends que ça bouge. La cour arrive. Bonne chance, Violette. Nous allons vous sortir de là. Merci, maître. Mais le surlendemain, le 12 octobre 1934 à 19h, après seulement une heure de délibération, Violette Nozière est condamnée à la peine de mort pour parricide et empoisonnement. Aucune circonstance atténuante n'est retenue. Violette est imperturbable et accepte la sentence sans ciller. Ce n'est que dans un deuxième temps, quand son avocat lui demande de signer une demande de pourvoi en cassation, qu'elle explose et fond en larmes en se débattant contre ses gardiens. Sa peine est qualifiée de symbolique, puisque la France n'exécute plus de femmes. Le pourvoi formé par ses avocats sera rejeté le 6 décembre. Ils déposeront donc une demande de grâce présidentielle pour leur cliente. Le président de la République, Albert Lebrun, acceptera et la peine de Violette sera transformée en travaux forcés à perpétuité. Et voilà, ça y est. Dans quelques minutes, mon sort sera scellé. Mon avocat me dit qu'il a bon espoir cette fois. J'ai bien fait de parler. De toute manière, c'était la seule chose qui me restait à faire. Et au diable ce que ça a dérangé. Je voulais juste leur montrer que tout n'est pas blanc ou noir. Tiens, la voilà qui entre, ma petite mère. Tu en veux pas. T'as raison, maman. Je suis une menteuse et une voleuse. Mais j'aimerais que tu saches que jamais je n'ai voulu te faire de mal. Je pensais qu'en t'envoyant dans la mort, je pourrais t'éviter la honte et la disgrâce. Pardonne-moi d'avance. Je sais que tu as toujours voulu le meilleur pour ta fille. La vie, hélas, en a décidé autrement. Mais toute ma vie, je vais répéter cette vérité. J'ai tué mon père, car il avait oublié que j'étais sa fille. Maintenant, je suis prête à affronter la sentence. Le plus dur, je l'ai fait. Me délivrer de lui. Violette Nozière, itinéraire d'une enfant perdue, de Clara Saher et Zoé Gabillet, avec Violette Nozière, Marion Malenfant, Marcel Guillaume, Pierre Val, Baptiste Nozière, Richard Samut, Germaine Nozière, Myriam Derbal, Jean Dabin, Jean-Benoît Souille, Maître René de Vézine, Larue, Anthony Audoux. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Olivier Dupré et Mathieu Leroux, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Michel Sidoroff. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur Violette Nozière avec mon invité Anne-Emmanuelle de Martigny. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Françoise Hardy à Cache-Cache sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale, Thierry Dupin à la technique, Pierre-Yves de Rolin. Anne-Emmanuelle de Martigny, donc le 12 octobre 1934, Violette Nozière est condamnée à mort pour parricide et empoisonnement après seulement une heure de délibéré. Comment expliquer qu'aucune circonstance atténuante n'ait été retenue? Oui, c'est évidemment la question qu'on peut se poser. Il y avait plusieurs circonstances atténuantes qui auraient pu être retenues. D'abord, on aurait pu tenir compte de son âge. Quand elle est jugée, Violette Nozière a 19 ans, elle est jeune. Ensuite, le juge avait demandé une expertise mentale. Et les avocats avaient demandé au juge une expertise mentale en disant, bon, le parricide, c'est un crime tellement monstrueux que pour tuer ses parents, il faut être fou. Alors, les experts étaient arrivés à la conclusion que Violette Nozière était tout à fait saine d'esprit et que donc elle pouvait être jugée. Mais enfin, il y avait ce doute. Et puis, tenir compte aussi du fait que l'accusée était une femme. Et il y a une tradition d'indulgence pénale à l'égard des femmes. Bon, c'est compliqué, hein, parce que on est indulgent face à une femme coupable quand cette femme se comporte bien et conforme au rôle féminin attendu. Hein, et ce n'était pas le cas de Violette Nozière. Mais l'inceste n'a pas été retenu. Alors l'inceste, eh ben, évidemment, ça c'est la question importante. Il y avait ce doute sur l'inceste. Il n'y avait pas de preuve, c'est pour ça que ça n'a pas été retenu? Ben, Comment prouver l'inceste ? Ça, c'est une vraie question. Ce qui, aujourd'hui, fait preuve, ne faisait pas preuve à l'époque. Enfin, fait preuve. Par exemple, pour le juge d'instruction, les preuves de l'inceste, c'est, par exemple, les témoignages oculaires. Mais personne n'a vu. Ce serait des traces dans le corps lui-même. Mais bon. En fait, la parole de la jeune fille n'a pas été entendue. On a considéré que cette parole était scandaleuse et qu'elle était mensongère. Violette Nozière, la mythomane, qui mentait à ses parents pour sortir avec des garçons et qui a menti pour expliquer son crime monstrueux. Un mensonge de plus. Voilà, exactement. Comment ce père de famille, qui a donné l'image d'un père modèle, hein, qui s'était sacrifié pour ses enfants, pour sa fille unique, il travaillait dur, il avait économisé, enfin, un père modèle ne pouvait pas avoir violé sa fille. Ça ne faisait pas sens. Et puis, ce qui échappait alors au juge, c'était l'enfermement des victimes d'inceste dans cette situation, avec donc un père qui a autorité sur l'enfant, avec des menaces, avec du chantage. Et tout ça, eh bien, ça empêche la parole. Le commissaire Marcel Guillaume, on l'a entendu, a été un des rares à prendre au sérieux Violette Nozière quand elle accuse son père de l'avoir violée. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été entendu au procès ? Bon, cette affaire de cette affaire du commissaire Guillaume, il faut faire attention parce que le commissaire Guillaume, enfin, en tout cas, quand vous êtes arrêté, vous n'avez pas affaire à un commissaire, vous avez affaire à un juge d'instruction. Donc c'est le juge d'instruction qui a interrogé Violette Nozière. Mais il est vrai que elle a rencontré le commissaire Guillaume qui lui a parlé, hein, mais il n'y a pas de procès-verbal de cette déclaration. Et le commissaire Guillaume a écrit ses mémoires plusieurs années après, et c'est dans ses mémoires qu'il raconte. Hein, une scène où Violette Nozière lui dit pourquoi j'ai tué mon père, parce que il avait des relations sexuelles avec moi depuis l'âge de 12 ans. Ce qui compte, c'est que Violette Nozière l'a dit au juge d'instruction. Alors, elle a pas joué au chat et à la souris, elle l'a dit tout de suite. Elle a dit tout de suite, après son arrestation, le mobile de son crime. Mais cette parole était inaudible, voilà. Et ce qui est intéressant dans cette fiction, enfin à mon sens, hein, c'est que elle interprète cette affaire avec les lunettes d'aujourd'hui. On voit que cette fiction a été écrite avec après MeToo, après l'affaire Weinstein. Les auteurs sont des jeunes femmes. Et voilà. Et on a parlé là de ces femmes qui ont écrit au juge d'instruction pour raconter leur vie brisée par l'inceste. C'est vrai. Il y a un anachronisme, mais il est intéressant. Parce que ces affaires judiciaires, chaque époque, y projette ses interrogations, ses inquiétudes. Et là, bon. Mais il y a des femmes. Alors, il n'y en a pas 1000. Il y en a 5. Hein, des femmes qui ont écrit au juge pour lui dire « Oui, vous pensez que c'est pas vrai ? Mais oui, ça existe. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. » Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une pression médiatique pour expliquer la sévérité de la peine ? Cette vision d'une Violette Nozière empoisonneuse, ange noir ? C'est difficile à dire. Il est vrai que les jurés qui vont dire « Violette Nozière est coupable ou n'est pas coupable », ces jurés, ils ont lu la presse. Donc évidemment, ça a dû jouer. Mais le parricide est très sévèrement puni. Alors, le parricide juvénile, c'est-à-dire commis par les jeunes, il est encore plus sévèrement puni. Et puis, il y a le parricide cupide. C'est-à-dire, l'idée, c'est que Violette Nozière, l'idée de la justice, hein, l'interprétation judiciaire de l'affaire, c'est que Violette Nozière a tué son père par cupidité. Et de fait, après le crime, Violette Nozière a pris de l'argent. Donc, la cupidité, le désir d'indépendance, et puis aussi une vanité sociale qui faisait que la jeune fille avait honte de son père ouvrier. Alors, sur cette question de l'inceste, finalement, il y aura assez peu de monde pour soutenir cette jeune fille. Marcel Aimé, qui va écrire quelques lignes assez belles sur Violette Nozière. Et puis, les surréalistes, André Breton ou Paul Éluard, c'est assez étonnant. Oui, les surréalistes ont donc publié un recueil de poésie en hommage à Violette Nozière. Et alors, ils comprennent cette histoire autrement, hein. Ils établissent une relation de cause à effet entre l'inceste, qu'ils tiennent pour vrai, et le parricide. Et ils portent aussi d'ailleurs un autre regard sur la sexualité de Violette Nozière, en disant finalement, Violette Nozière qui couchait avec des hommes comme ça, de passage, eh bien, elle s'est libérée dans les bras d'autres hommes, et cette libération s'est accomplie avec le parricide. Mais je dirais, nous, on en parle aujourd'hui, des surréalistes qui ont pris la défense de Violette Nozière. Mais à l'époque, personne n'en a parlé. Oui, c'est pas le j'accuse d'Émile Zola, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que l'opinion s'est divisée. Au début, personne n'a cru Violette Nozière. Et puis comme l'enquête mettait en évidence des détails un peu troublants, finalement, l'opinion a commencé à se diviser. Et certains journaux ont dit, mais cette affaire, elle a l'air vraie. Hein, donc le doute s'est insinué dans les consciences. Donc cette affaire a fait débat. Est-ce que c'est le doute justement qui a poussé le président Lebrun à la gracier? Sa peine va être commuée en travaux forcés à perpétuité. Ensuite, en 1942, Pétain va raccourcir sa peine. En 1945, elle va être libérée. Puis un décret du général de Gaulle va lever son interdiction de séjour sur le territoire. Et ensuite, en 1963, Violette Nozière va être réhabilitée 3 ans avant sa mort. Pour quelles raisons toutes ces grâces? Oui, il y a un parcours qui est tout à fait exceptionnel, hein. Elle n'a pas été exécutée parce que, à l'époque, on n'exécutait plus les femmes, hein, depuis la fin du 19e siècle. Et ensuite, si elle a bénéficié d'une réduction de peine, c'est en raison de son comportement exemplaire en prison. Hein. On a envie aujourd'hui de dire c'est à cause de l'inceste, mais non. Ouais. Donc elle va sortir de prison et elle se mariera et elle aura 5 enfants et elle meurt le 26 novembre 1966 à l'âge de 51 ans. Merci beaucoup Anne-Emmanuelle de Martigny. Vous êtes l'auteur de Violette Nozière, La fleur du mal, une histoire des années 30 aux éditions Champvallon. À lire également Vous injuriez une innocente d'Emmanuel Pierra au Point Seuil. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement complet d'ambiance. Nous partirons dans la Révolution française en compagnie d'un de ses acteurs les plus fameux, Camille Desmoulins, qui dès juillet 1789 s'enflamma pour la Révolution, fervent républicain, défenseur de la liberté de la presse. Nous parlerons aussi de celle dont il était inséparable, Lucile, qui comme lui sera victime de la terreur. Lucile et Camille Desmoulins, l'engrenage de la terreur, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Édouard Baer, Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.